Ah ouais, le morceau que j'aime bien là. De Midnight Express, c'est lequel? C'est quoi celui-là? Voilà. Tu connais ça? Tu l'entends la musique là? Tu l'entends la musique là? Mais pas très fort là. Jouer ça là. Ah, la gratte écrase. Ouais. Ah, comment on monte? Il y a un truc pour monter, non? Je suis à fond là. Dans le truc de guitare rig, là. Oui. Je peux accorder là, non? M'accorder. Putain, faut que je mette ce truc là. Je m'ai dit componente. Componente. C'est où le nose modifier? Cabinet, délai, épreuve, dynamique. Modifier. Tool. C'est dans quoi? Field? Non. Putain, je regarde ce que. Modifier. Tout. Oula, oula, oula, oula, qu'est-ce que j'ai moi. Sensible. Alors ça veut dire que le morceau... Attends, je vais changer de... C'est vrai que j'ai toujours pas trouvé... Casse-couille. Le noise. Ah merde, voilà, bonjour. Le métronome, c'est pas grave, ça. Mute. On peut le fermer. Ah ouais, alors on l'éteint. Allez, je trouve pas le noise. C'est où? Par exemple, je remets le truc et là je fais component. Attends, noise. Putain, ça faisait pas ça tout à l'heure. Noise. Attends, dynamique. Noise en dynamique. Dynamique. Component. C'est où ça? C'est pas gate? C'est ça gate?